les arts de la rue. C'était la journée des arts de la rue. Poètes, comédiens, chanteurs, jongleurs, tous avaient leur place dans les rues de la ville. Les badauds s'arrêtaient quelques instants, s'attardaient même quelques minutes parfois. Un magicien tenait dans le creux de sa main de très jolis personnages miniatures, fabriqués de briques et de brocs, animés on ne sait par quelle astuce. Le magicien faisait jouer ses marionnettes un court moment, puis il fallait donner quelque argent pour que le spectacle continue. Ceux qui avaient leur porte-monnaie à portée de main jetaient quelques piécettes dans le chapeau, et les petits personnages reprenaient vie. Le spectacle était drôle, le public était captivé. Soudain un petit plaisantin cria « Haut les mains !» Quelques-uns des spectateurs, surpris autant que terrifiés, levèrent les mains, y compris le magicien. À ce moment-là, je me suis retrouvé par terre, sans comprendre comment. J'étais minuscule et les quatre fers en l'air. Je me remis à l'endroit et passai la main sur mon corps. J'étais devenu une marionnette. Parmi les spectateurs, les mères de famille s'éloignaient bien vite, leurs enfants en larmes sous le bras, tandis que les amoureux poursuivaient leur chemin, main dans la main, en souriant aux farceurs. Et moi, qu'allais-je devenir ? J'étais transformée en une espèce de petite bonne femme, un peu vieillotte, me semblait-il. Le magicien nous ramassa précautionneusement. Vexé, il nous rangea dans sa boîte. J'avais beau gesticuler pour qu'il me remarque, me sorte d'ici. Le spectacle était fini et le couvercle fut scellé. Extrait du journal régional du 5 janvier 2011. Chaque jour, en France, 150 disparitions mystérieuses.